What's up? Step the mic again. Yeah. Louer Jésus. Louer Jésus. I wanna talk about Jesus, King of all the kings. Talk about Jesus, Lord of all the lords. He come bless me every day. He come bless me. I wanna talk about Jesus, King of all the kings. Talk about Jesus, Lord of all the lords. He come bless you every day. Yes, he come bless you. Même, il ne change pas, il reste le même. Pour le bénir, il n'a jamais la flemme. Je l'aime, il m'aime et je sais qu'il t'aime. Le rencontrer, il y a l'envers avec nous. Si t'as des problèmes, il t'enlève de la boue. Éloigne les loups, j'ai de la boue. De lui, je suis fou, chaque instant, je le loue. On se voit son option, il n'y a rien de plus. Ressentir sa présence, il n'y a rien de plus. Vivre avec Jésus, il n'y a rien de plus. Il est parmi nous. Louer Jésus. Louer Jésus. Louer le, my friend, yeah. Louer Jésus. Il a quitté son trône de gloire à cause de nous. Le roi des rois est venu payer le prix pour nous. La parole faite chair est venue sur la terre pour ôter le péché et porter la lumière. Il est le chemin, il domine nos pères. Oh, je suis fier, Jésus est mon frère. Tous les jours je veux le louer. Tous les jours je veux l'adorer. Tous les jours je voudrais l'aimer et contempler sa majesté. Tous les jours je veux le louer. Tous les jours je veux l'adorer. Tous les jours je voudrais l'aimer et contempler sa majesté. Il est le seul qui m'aime tant. Il est le seul qui m'aime tant. Il est le seul qui m'aime tant. Et qui m'entend en tout temps. Il est le seul qui m'aime tant. Il est le seul qui m'aime tant. Il est le seul qui m'aime tant. Et qui m'entend en tout temps. Pleurant ou battant, oisif ou chantant, ne me dis pas attends. Et encore moins 20 ans, c'est maintenant pas de mi-temps. Et encore moins de 40 ans, il est le maître du temps. Il a le temps pour tous ses enfants. Jesus, King of all the kings. Talk about Jesus, Lord of all the lords. He come bless me every day. He come bless me. I wanna talk about Jesus, King of all the kings. Talk about Jesus, Lord of all the lords. He come bless you every day. Yes, he come bless you. Par grâce j'ai été sauvé, ma vie a changé de la boue du péché. Il m'a enlevé l'agneau immolé sur la croix percée. Son sang a coulé pour me racheter, a été tué puis ressuscité. Ensuite élevé dans sa majesté afin de régner sur l'humanité. Maintenant il faut l'accepter car bientôt il va retourner. Et les justes il va embrasser et les mauvais seront jetés. Ainsi que les principautés dans le feu pour l'éternité. Les méchants vont leur... Viens avec moi, allons sur le mont Sion pour chanter. Y'a les loups, loups, loups, loups, y'a et vous pour voir le loup. Je sais déjà que quand je tec, tec, tec, tec, tec de ma gueule, je chante à les loups, loups, y'a et je crie. Y'a, y'a, what's down? Yeah, demeurez dans la louange, l'adoration et recevez l'onction du Seigneur. Alléluia! Restez dans la présence de Jésus, il n'y a rien de mieux. Ouais, ouais. Yo, yo.